بسم الله الرحمن الرحيم يس Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Yasin. Par le Coran plein de sagesse. Tu es Mohammed, certes, du nombre des messagers. Sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton, et voilà qu'ils iront tête dressée. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, le Coran, et craint le tout miséricordieux malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité quand lui vinrent les envoyer. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Quand nous leur envoyâmes deux envoyés et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors par un troisième et ils dirent « Vraiment, nous sommes envoyés à vous ». قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Mais les gens dirent, vous n'êtes que des hommes comme nous, le tout miséricordieux n'a rien fait descendre et vous ne faites que mentir. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Les messagers dirent : Notre Seigneur sait qu'en vérité nous sommes envoyés à vous. وما علينا إلا البلاغ المبين. Et il ne nous incombe que de transmettre clairement notre message. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Ils dirent : Nous voyons en vous un mauvais présage, si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. Ils dirent : Votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce que c'est ainsi que vous agissez quand on vous le rappelle ? Mais vous êtes des gens outranciers. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit : Ô mon peuple, suivez les messagers. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé ? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Prendrais-je en dehors de lui des divinités ? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien et ils ne me sauveront pas. إني إذا لفي ضلال مبين. Je serai alors dans un égarement évident. إني آمنت بربكم فاسمعون. Mais je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. Alors il lui fut dit : Entre au paradis. Il dit : Ah si seulement mon peuple savait. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. En raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. Et après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée, nous ne voulions rien faire descendre sur son peuple. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Ce ne fut qu'un seul cri et les voilà éteints. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Hélas pour les esclaves, les humains, jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'enraillent. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. Ne voit-il pas combien de générations avant eux nous avons fait périr ? lesquels ne retourneront jamais parmi eux. Et tous, sans exception, comparaîtront devant nous. Une preuve pour eux est la terre morte, à laquelle nous redonnons la vie, et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes, et y avons fait jaillir des sources. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Afin qu'ils mangent de ses fruits et de ce que leurs mains ont produit, ne seront-ils pas reconnaissants ? سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. Et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour et ils sont alors dans les ténèbres. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. La الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. Et un autre signe pour eux est que nous avons transporté leur descendance sur le bateau chargé. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. Et nous leur créâmes des semblables sur lesquels ils montent. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. Et si nous le voulons, nous les noyons. Pour eux alors, pas de secoureur et ils ne seront pas sauvés. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Sauf par une miséricorde de notre part et à titre de jouissance pour un temps. Et quand on leur dit « Craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous, afin que vous ayez la miséricorde », وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Or, pas une preuve ne leur vient, parmi les preuves de leur Seigneur, sans qu'ils ne s'en détournent. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Et quand on leur dit, dépensez de ce qu'Allah vous a attribué, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'il l'avait voulu ? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique ? ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de disputer. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Ils ne pourront donc ni faire de testament, ni retourner chez leur famille. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. En disant, malheur à nous, qui nous a ressuscité de là où nous dormions? C'est ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit vrai. كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Ce ne sera qu'un seul cri, et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribué que selon ce que vous faisiez. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages accoudés sur les divans. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. Là, ils auront des fruits et ils auront ce qu'ils réclameront. سلام قولا من رب الرحيم. Salam, paix et salut. Parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. وامتاز اليوم أيها المجرمون. Ô injuste, tenez-vous à l'écart ce jour-là. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable ? Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer ? Voilà un chemin bien droit. Et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas ? Voici l'enfer qu'on vous promettait. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبَصِرُونَ. Et si nous voulions, nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin. Mais comment alors pourront-ils voir ? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. Et si nous voulions, nous les métamorphoserions sur place. Alors ils ne sauront ni avancer ni revenir. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. À quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa forme. Ne comprendront-ils donc pas ? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. À Mohammed, ne nous lui avons pas enseigné la poésie ? Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture, Coran, clair. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Pour qu'il avertisse celui qui est vivant et que la parole se réalise contre les mécréants. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires. Et nous les leur avons soumis. Certains leur servent de monture et d'autres de nourriture. Et ils en retirent d'autres utilités et des boissons. Ne seront-ils donc pas reconnaissants ? Et ils adoptèrent des divinités en dehors d'Allah dans l'espoir d'être secourus. Celles-ci ne pourront pas les secourir, elles formeront au contraire une armée dressée contre eux. Que leurs paroles ne t'affligent donc pas. Nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme ? Et le voilà devenu un adversaire déclaré. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ? Dis, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. C'est lui qui de l'arbre vert a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si! Et il est le grand créateur, l'omniscient. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés.